n'y a pas de ciel, non pas de tapis volant. Il n'y a que des planeurs qui se crachent dans l'océan. Et la planche neige, j'ai perdu dans bien plus de sept nez. Je me demande où c'est toi encore jeté. Quand on loin j'entends chanter les petites sirènes. Au pays désenchanté où l'injustice règne. Tu as reçu une citrouille, t'as voulu un carrosse. Alors t'as scellé un pacte avec tes carapaces. Ensorcelé d'un acte qui t'a fait le bête au pas dormant. Assoupi par l'illusion de devenir le plus beau des princes d'argent. T'as pas vu tous les tiens qui finissent en chien. Pareil que c'est notre meilleur ami. Alors on se promène en laisse, on se cache derrière des remparts. Allez, je te laisse, je suis en retard. J'ai rendez-vous quelque part, ni chez les méchants, ni chez les gentils. Vu qu'il y a que des pour et des anti. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs. La pluie tombe ici au royaume des rois bidons. On voudrait battre des ailes, donc on nous prend pour des pigeons. Je voudrais bien pouvoir faire d'un Merlin enchanteur. Écoutez ces chants, bon, c'est au destin sans rancœur. Un lézard dans le système de sirènes qui font la ronde. On veut tuer ce dragon avec des fleurs dans les canons. T'as voulu voler ou tout faire péter. Pan, toi tu cherchais ta lampe, mais tu finis sous un spot. Et c'est les chaperons bleus qui t'emmènent à la bergerie. Se croit au pays des morveux, c'est quoi? C'est du bergerie comme ceux qui jouent les gangsters, mais ne sont des Lucky Locks. Dans ce monde de rentemplant, tu sors les griffes ou bien tu picoles. Les sourires sont rares, comme voir une belle avec un clochard. Cruel à s'en faire, j'attends le soleil qui suivra l'orage. Quel décor morose, l'homme construit comme un gros porc. Il n'a pas peur de la gueule du loup, il croit son sort indolore. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs. En bas des monts et merveilles, beaucoup ont les yeux tabou. Quand leur monstre réveille, ils cassent tout poussé à bout. Assis sur un banc, je vois des hommes là au taquet qui rêvent d'une duchesse, ne reste que Thomas au malais. Tandis que les tours des finances ont la magie du haricot. Des masses de plus en plus immenses amassant le caniveau. Tu dis vrai, en plus je m'y perds. Un tout petit prince et Lucifer. Pour trouver de la pureté, il faudrait visiter tout l'univers. En parlant du système qui laisse pousser sa garde bleue. Depuis qu'on a baissé la nôtre, depuis qu'on en parle peu. Poussé à laisser une trace, on s'écarte tous en chemin. Mais ce qui te reste comme mythe de pain peut t'aider finir demain. Il y a les éclats de rire d'une soirée mondaine, puis les faibles qui se racontent avec les yeux de la fontaine. Des futurs dépressifs souhaitant un monde de rêves, plein de féeries mais qui n'ont droit qu'à un conte de fées. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs. Il était cette fois un récit bel et bien vrai qui prend ses repéros au pays des contes de fées. Les plus criminels si crimes sont chétifs. Les autres sont aveugles, marchent lents des côtés des récifs.